qui n'ont inventé ni la poudre, ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur, ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers, ni le ciel, mais ils savent jusqu'au moindre recoin le pays de souffrance, ceux qui n'ont connu de voyage que de déracinement, ceux qui se sont assouplis aux agenouillements, ceux qu'on domestiqua et christianisa, ceux qu'on inocula d'abattardissement, tam-tam de mains vides, tam-tam zinane de plaies sonores, tam-tam burlesque de trahison tamide, ceux qui n'ont inventé ni la peau ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre.